Aïe, ya ya ya, c'est pour toutes mes femmes. Big up. Yes, aïe. Peux-tu compter combien t'aspect dans les toilettes de Robert Debré sont fait contourner, détourner, retourner même sur mes deux bras. J'plains le mec à quel ma meuf pendant que je n'étais pas là. Comme ta paille là, la déguster, je me suis dit pas elle là. J'ai beau y chercher, y'a pas de copien, rien que des bitches. Mes yeux ont vu autant de string que dans les dessous de Palm Beach. Qui ferait avoir une meuf cash comme Tabata. C'est triste, c'est Tabata, cirer la face comme tes bateaux. Et un week-end à Londres et on invite toutes ces aspects. D'abord, une minute dans l'ombre et on en profite de l'aspect. Ah les gars, c'est bon, c'est super. Dis-moi gars, combien t'aspects tandis que t'étais un manga. Parce que t'étais moins gros que leur jex, souvent pire ingrat. Moi le boisani, j'étais accueilli dans une famille blanche. Je te raconte pas la suite, c'est triste, ils ont voulu que je flanche. Les fesses avant les femmes, après les fesses, les femmes on verra. On met ça de côté, tant qu'il y a ta maille, on y pense pas. On les fesses avant les femmes, après les fesses, les femmes on verra. On met ça de côté, tant qu'il y a ta maille, on y pense pas. On les fesses avant les femmes, après les fesses, les femmes on verra. On met ça de côté, tant qu'il y a ta maille, on y pense pas. On les fesses avant les femmes, après les fesses, les femmes on verra. On met ça de côté. Tant qu'il y a de la main, on n'y pense pas. Ok, sujet brûlant, d'où je suis, j'entends déjà toutes ces filles hurlantes. Mais qu'est-ce que tu veux, je squatte le 19. Un tiécart ou les paires de seufs tournent comme les quarts de keuf. C'est comme partout à coup de bluff, la meuf qui fait. Plus tard, rendez-vous, viens fumer un spliffé. Direction cage d'escalier, brin de causette avec toi, t'es Lascar atteint la braguette, la gosse en coup de la fierté. Je rebiffe, mange 2-3 baffes, mais t'inquiète. Quand il s'agit de se faire bouffer la chatte en cachette, y'a plus de chichi. Une heure après, t'appelles chérie, mais lâche-moi. Oublie que je t'ai kenny 3 mois plus tard. Après, clac-clique, les mises en cloque. Et la robe se prend des claques par son robe qui craque, veut qu'elle avorte. La traite de salope, salie par trop de salauds qui lui ont tous dit salut. C'est sa vie, mais c'est elle, au moins ce qu'elle est devenue. Une pute. À la rue, un gosse sur le dos, pas de boulot. Se traîne comme un boulet, viens ma boulot. Point de plus, savoir qui elle est. Pour nous les fesses avant les femmes, après les fesses, les femmes on verra. On met ça de côté, tant qu'il y a de la maille, on y pense pas. Pour nous les fesses avant les femmes, après les fesses, les femmes on verra. On met ça de côté, tant qu'il y a de la maille, on y pense pas. Pour nous les fesses avant les femmes, après les fesses, les femmes on verra. On met ça de côté, tant qu'il y a de la maille, on y pense pas. Pour nous les fesses avant les femmes, après les fesses, les femmes on verra. On met ça de côté, tant qu'il y a de la maille, on y pense pas. Je suis bien homme qui a pris ta femme et qui t'a éloigné de ça. Famille, mes fans, elle est fan de moi, pour elle j'ai fini. Elle me dit que je suis fameux, profane les chiens pour avoir mon faune. Ok, fin et l'attaché sur elle, je crache et fâché. Je l'ai même lâché, touché sur mon lit, couché, fiché. Dans toutes les rues, elle m'a affiché. Plutôt fichu, fume du shit, elle sort des shots. Ouais, franchement, chuté, en ce moment, chuté. Elle shooté, agité sur sa face, j'ai chuté. Derrière mes jupes, 24 sur 24, elle me prend pour jupé. Ne porte pas dupé. Sous pour un chapi, chapeau. Se frotte sur du chapi, chapeau. C'est pas beau, bonhomme, t'es le cabot. Calas humané comme un. Vous parlez sur moi, au moins d'un mois à la succéder. Hades le chroma qui font que le chromie elle s'est fait jeter. Pour nous les fesses avant les femmes, après les fesses, les femmes on verra. On met ça de côté, tant qu'il y a de la maille, on y pense pas. Pour nous les fesses avant les femmes, après les fesses, les femmes on verra. On met ça de côté, tant qu'il y a de la maille, on y pense pas. Pour nous les fesses avant les femmes, après les fesses, les femmes on verra. On met ça de côté, tant qu'il y a de la maille, on y pense pas. Pour nous les fesses avant les femmes, après les fesses, les femmes on verra. On met ça de côté, tant qu'il y a de la maille, on y pense pas. Ça se prétend plus elle, malheureusement c'est plus celle qu'elle était. Dans quel état était la. Après avoir été retourné, je te paye une tournée bébé. Reste pas baba bouche bé, bouge-toi à sa tournée. Reste pas là, je te bourre, t'attends pas la bague au doigt. J'espère que tu blagues ou quoi. En plus tu me demandes pourquoi, t'inquiète pas. Je te répondrai pas parce que c'est comme ça. Une meuf comme toi pas intéressant, sans intéresser. Une perte de temps, j'entends par là que si t'as pas de maille, viens pas me parler, parler. Sentiment tu ne m'auras plus car les phrases à deux balles, je m'attarde plus. Sur ce attarde plus, mais je garde ton phone d'elle. Et ouais ma fille, une conne comme toi elle est belle. Contre le chroma ADRS, un crime en place, presse les fesses.